La conversation scientifique par Étienne Klein. Aujourd'hui, l'infiniment petit et ses grandes questions. Née il y a un peu plus d'un siècle, au moment de la découverte de l'atome, la physique de l'infiniment petit est devenue une science mature et fascinante qui nous transporte, tels des touristes déroutés et hagards, en des mondes étranges où nos intuitions perdent leur marque. Elle constitue désormais une discipline frontière, dans son expression théorique, servie par des gens qui calculent comme les rossignols chantent. Elle fait appel à des concepts mathématiques très élaborés, assez éloignés des mathématiques lycéennes. Dans son versant expérimental, servie par des gens astucieux et inventifs, elle se situe toujours à la limite des possibilités technologiques. Le monde impalpable de l'infiniment petit exige des moyens lourds et complexes. C'est en effet le prix à payer, fixé par certaines règles du marché quantique, pour espérer le prendre en filature. Mais que sait-on aujourd'hui du monde de l'infiniment petit, tout peuplé de protons, de neutrons, de quarks, d'électrons, de photons, de muons, de neutrinos, de gluons et même de bosons de Higgs? Et quelles sont les questions qui demeurent ouvertes? En d'autres termes, que cherchent donc les physiciens qui se vouent corps et âme à la conquête du minuscule? Pour répondre à ces questions, j'ai invité non pas deux physiciens, mais deux physiciennes. La première est Nathalie Besson. Vous êtes physicienne des particules, c'est bien ça? Oui, c'est ça, Étienne. À l'Institut de recherche sur les lois fondamentales de l'univers, rien que ça. Et vous connaissez tout, notamment du boson de Higgs. Presque tout. Et Marine Vandenbroucke, bonjour. Bonjour. Vous êtes physicienne nucléaire, ce qui n'est pas tout à fait la même chose. Vous étudiez donc la structure des noyaux. Vous connaissez presque tout de l'interaction entre un proton et un neutron. Pas tout à fait. On et vous travaillez sur les noyaux qu'on appelle super lourds. Oui. Et vous nous expliquez en quoi cela consiste. Alors, pourquoi est-ce que, je ne sais pas à qui m'adresser en premier, il faut des moyens aussi lourds pour étudier les petites choses? Nathalie Besson. Alors, bon, dans ma discipline, c'est particulièrement vrai, hein, la physique des hautes énergies, la physique des particules. Parce que, par exemple, la dernière source de particules que j'ai utilisée, c'est le LHC, un collisionneur qui fait 27 km de circonférence. Et les particules que j'étudiais, je les étudiais grâce à un détecteur de particules qui lui faisait 45 mètres de long par 25 mètres de diamètre. Donc effectivement, comme me l'a dit ma maman une fois, je comprends pas ton truc, pourquoi pour voir l'infiniment petit, tu as besoin de trucs aussi gros? Et qu'avez-vous répondu? Alors, c'est une question d'énergie. Figurez-vous que raccourci, c'est pour voir petit, faut taper fort. Une bonne façon de le voir, c'est de se dire que on tape avec des particules qui sont aussi des ondes, d'accord, qui sont caractérisées par une certaine longueur d'onde et une certaine énergie. Et donc on peut faire une analogie à ce qui se passerait dans la mer. Imaginons un petit poisson. Petit, on va dire 5 cm de petit poisson. Imaginons une vague qui passe, qui a une longueur d'onde, c'est-à-dire la distance entre deux bosses de cette vague, d'un mètre. La vague va passer sans voir le petit poisson. D'accord? Maintenant, si je veux voir le détail du petit poisson, ben, je vais devoir envoyer des vagues qui auront une taille au moins celle du petit poisson. Donc, des longueurs d'onde de l'ordre de la taille du petit poisson. Et donc, quand je veux voir l'infiniment petit, il me faut des longueurs d'onde extraordinairement petites. Et ça correspond à des énergies gigantesques. Qui dit énergie gigantesque, dit détecteur et accélérateur gigantesque. Donc, il faut accélérer des particules, leur donner beaucoup d'énergie. Et une fois qu'elles l'ont, on les envoie sur d'autres particules plus petites ou de la même taille qui vont permettre de les détecter. Et dans sonder l'intérieur, par exemple, en ce qui concerne le LHC, on envoie se fracasser des protons les uns contre les autres à des énergies suffisantes pour sonder l'intérieur du proton à toute petite distance. Et c'est ce qui me distingue de ce que fait Marine, qui elle, pour elle, le proton, c'est sa limite inférieure en taille, alors que moi, c'est ma limite supérieure. Avant de donner la parole à Marine, quelle est l'énergie des protons que vous utilisez dans votre machine, le LHC, installée à Genève? 7 téraélectronvolts, ce qui ne dit rien à la plupart des gens, et c'est normal. Pour se faire une idée, 1 téraélectronvolt, je crois que c'est l'énergie d'un moustique en plein vol. Ce qui ne fait pas vraiment rêver quand je le dis comme ça. Mais au LHC, ces énergies sont condensées dans des volumes extraordinairement petits. Donc les protons qui se rencontrent ont chacun l'énergie de la moustique en vol et ça vous permet de voir des nouvelles particules, de les créer par l'énergie de la collision. Mais alors pourquoi est-ce que vous ne prenez pas des objets encore plus gros comme des voitures que vous feriez collisionner sur le périphérique parisien? Alors, quand on fait se collisionner deux voitures sur le périphérique parisien, ne faites pas ça tout seul chez vous, je ne le recommande à personne. Ce qui sort de cette collision, c'est des débris qui étaient préexistants dans les deux voitures, n'est-ce pas? On va avoir des sièges, des phares, des pare-chocs et ce genre de choses. Alors que ce qui se passe au cœur du LHC, c'est la mécanique quantique qui est à l'œuvre et on crée vraiment des particules qui n'étaient pas préexistantes dans les protons qu'on fait se collisionner. Donc ce qui compte, c'est pas tellement l'énergie, mais la densité d'énergie, le fait qu'elle est concentrée sur un seul proton, en l'occurrence. Voilà. Et Marine Vandenbroucke, vous utilisez des énergies un peu moins élevées puisque vous utilisez des objets un peu plus gros, des noyaux d'atomes. Oui, alors moi je vais regarder au niveau du noyau de l'atome. Donc le noyau, il est lui-même composé de protons et de neutrons. Et moi, contrairement à Nathalie, je ne vais pas aller casser ces protons et ces neutrons. Les protons et les neutrons vont être mes briques élémentaires de mon noyau. Et moi, je vais faire des réactions où je vais envoyer des noyaux les uns sur les autres. Et je vais faire des réactions où on va casser ces noyaux, transférer quelques protons, neutrons l'un avec l'autre, les faire diffuser l'un sur l'autre pour aller obtenir des informations sur le noyau en tant que tel et pas sur les constituants de ces protons et ces neutrons. Donc on va avoir des énergies qui sont un peu moins hautes, parce qu'on n'a pas besoin d'aller casser ces nucléons. Et moi j'aime bien parler en vitesse, faire une analogie à la vitesse. Au LHC, ça correspondrait à des vitesses qui sont de l'ordre de 99,999, je ne sais plus combien il y a de 9, 6,9 après la virgule % de la lumière. Alors que moi, auprès des accélérateurs que j'utilise, on est plutôt de l'ordre de 1 tiers de la vitesse de la lumière. Donc c'est quand même énorme, mais pas aussi énorme que les vitesses des faisceaux mis en jeu au LHC à Genève. Mais vous travaillez l'une et l'autre dans le même institut, l'Institut de recherche sur les lois fondamentales de l'univers. Vous, Nathalie Besson, comme physicienne des particules. Vous, Marine Vandenbroucke, comme physicienne nucléaire. Et on a l'impression que, en fait, vous parlez de choses assez différentes. Le seul point commun, peut-être, parmi les objets que vous étudiez, c'est le proton. Alors, comment est-ce que, Nathalie Besson, en tant que physicienne des particules, vous voyez le proton? Et vous-même, Marine Vandenbroucke, comment est-ce que vous le voyez en tant que physicienne nucléaire? Vous avez un peu répondu, mais pas encore, Nathalie. Alors, le proton n'est pas une particule élémentaire. Donc, pour moi, c'est gros, le bazar, et ça n'est pas mon sujet d'étude, voilà. Je m'en sers essentiellement pour créer d'autres particules. Mais s'il n'est pas élémentaire, ça veut dire qu'il est composite? Absolument. Et s'il est composite, il est composé de quoi? Alors, il est composé de quarks et de gluons. Alors le gluon, c'est juste pour dire que les physiciens sont des poètes, hein, parce que c'est ce qui colle les quarks entre eux dans le proton. Donc on a dit, tiens, on va appeler pas ça des gluons. Pas des poètes à l'imagination poétique assez limitée. Oui, mais bon, gluon quand même, c'est mignon. Il y avait une émission qui était intéressante. Donc ça veut dire que les quarks dans le proton interagissent entre eux. Voilà. Par le biais d'une interaction. Qui est l'interaction forte. En échangeant des gluons. Absolument. Et vous-même, Marine, vous voyez le proton comment? Alors pour moi, le proton, c'est une de mes briques élémentaire, même si, comme Nathalie vient de le dire, ce n'est pas une brique élémentaire. Mais à mon échelle, je la considère comme élémentaire, vu que c'est une des briques de mon noyau qui est composée de protons et de neutrons. Et en fait, moi, ça, je vais plutôt m'intéresser, par exemple, à l'évolution des propriétés du noyau en fonction de ce nombre de protons. Je vais chercher, par exemple, quels sont les noyaux. Il y en a qui sont stables, il y en a qui sont instables. Je vais chercher, par exemple, comment évolue l'instabilité des noyaux en fonction de ce nombre de protons. Instable, ça veut dire radioactif. Radioactif, exactement, radioactif. Et donc, par exemple, je vais chercher à savoir quelles sont les limites d'existence du noyau en fonction de ce nombre de protons. On sait à l'heure actuelle qu'on a des noyaux qui ont un proton, c'est l'hydrogène, jusqu'à des noyaux qui ont 118 protons, c'est l'oganesson. Est-ce qu'il y a des noyaux qui ont plus de protons en leur cœur ou pas? C'est une des questions sur laquelle je travaille. Parmi les éléments chimiques naturels, quel est celui qui a le plus de protons? Alors c'est dans les éléments chimiques stables, c'est le plomb qui a 82 protons. Et donc, du coup, au-dessus de ce nombre de protons, ce sont des noyaux instables, donc qui vont être soit exister sur Terre, mais avec une durée de vie qui va être plus petite que l'âge de l'univers, 14 milliards d'années, ou alors qui vont être produits grâce à nos accélérateurs. Typiquement, l'oganesson, c'est un noyau qui a été produit auprès d'un accélérateur à Doubna, en Russie. Et il a été produit, on en a produit seulement quelques-uns, en fait. Ça a été parmi les éléments naturels, le plus lourd, c'est l'uranium. On est d'accord qu'il contient 92 protons. Oui, mais. Et donc tous les isotopes sont radioactifs. Oui, exactement. Parce que l'uranium, il y a l'uranium 235, 238 que l'on connaît le mieux, on va dire. Ceux-là, ils ont une durée de vie longue. C'est pour ça qu'on les retrouve sur Terre. Et on les connaît et on les utilise notamment pour leurs propriétés qui sont la fission, parce que ce sont des noyaux qui ont une durée de vie et qui vont fissionner. Alors, pour Nathalie Besson, le proton, qui est la référence de notre discussion pour l'instant, c'est un monde très compliqué, avec des quarks qui interagissent, les quarks ont des vitesses proches de celles de la lumière, en se promenant dans un volume microscopique, vraiment très petit. Vous, j'ai l'impression que vous le voyez comme petite bille. Exactement, c'est une petite bille, au même titre que le neutron, qui est son analogue mais qui est neutre, alors que le proton est chargé positivement. Et donc dans le noyau, il y a des protons et des neutrons. Oui. Et je comprends pas pourquoi c'est stable, puisque les protons, vous le dites, ont une charge positive. Oui. Ils devraient donc se repousser, d'après ce que j'ai appris à l'école. En effet, si on ne prend en compte que l'interaction électromagnétique. Donc, pour juste faire une petite parenthèse, aujourd'hui, on peut expliquer les lois de la physique, de la chimie et de la biologie à partir de quatre interactions fondamentales, qui sont la gravité, l'électromagnétisme, l'interaction faible et l'interaction forte. Et donc, si on considère notre noyau comme un assemblage de protons chargés positivement et de neutrons. En effet, les protons étant chargés positivement tous les deux, plus et plus, ça se repousse. Et donc, mon noyau ne devrait pas être stable. Et en fait, il existe grâce à cette fameuse interaction forte qui est décrite au niveau sub-proton par les gluons dont vient de parler Nathalie. Donc, nous, en fait, les protons et les neutrons tiennent ensemble au cœur du noyau grâce à cette interaction forte. Mais vous ne les voyez pas, les gluons, vous ? Non, pas du tout. Alors, comment est-ce que vous voyez, comment se manifeste l'interaction entre protons et neutrons dans le noyau, sachant que vous ne voyez pas ce qui transporte cette interaction, les fameux gluons ? Alors, on cherche à en étudier ses propriétés. Donc là, on va faire appel à des modèles, parce qu'on va toujours comparer. Nous, donc Nathalie et moi, on est expérimentatrices. Et donc l'idée, ça va être d'aller, donc pour ma part, pousser le noyau dans ses retranchements, dans ses extrêmes. Par exemple, en lui donnant beaucoup d'énergie, pour qu'il ait beaucoup d'énergie d'excitation, qu'il se mette à vibrer, à tourner. Et donc quand le noyau il est poussé dans ses retranchements, on va pouvoir étudier des effets très exotiques. Il va par exemple avoir des formes très exotiques, des modes de vibration très exotiques. Et là, quand on va comparer aux modèles, ces modèles, ils utilisent une description de l'interaction forte. Et c'est comme ça qu'on va pouvoir avoir accès aux propriétés de l'interaction forte. C'est grâce à la comparaison aux modèles que les théoriciens nous auront fournis. Alors vous avez parlé de noyaux exotiques. Là, oui. Là, pour le coup, c'est de la poésie. Oui. Alors, il y a un noyau exotique qui vous intéresse particulièrement, qui s'appelle le nickel 68. Exactement. Alors, qu'est-ce que ça veut dire 68 dans nickel 68? C'est mon noyau chouchou. Alors, le nickel 68, donc le nickel, c'est un élément qui est composé de 28 protons. C'est ce qui fait que c'est du nickel. Exactement, parce qu'un élément est caractérisé par son nombre de protons. Et il a donc, du coup, 40 neutrons. 40 plus 28, ça fait 68. Exactement. C'est pour ça qu'on appelle le nickel 68. Exactement. Et donc, du coup, le nombre de nucléons, qui est la somme des protons et de neutrons, c'est celui-là que l'on nomme quand on dit nickel 68. Et donc ce noyau, je l'aime beaucoup car je l'ai étudié pendant ma thèse. Et c'est un noyau dont... Est-ce que c'est réciproque ? Ah, je sais pas. J'ai pas réussi à lui demander. Donc c'est un noyau, on a étudié pour la première fois son mode de respiration. Alors là aussi c'est un petit peu de la poésie. C'est un mode qui a un nom barbare qui s'appelle la résonance géante isoscalaire monopolaire. Mais on va le dire beaucoup plus joliment en disant que c'est le mode de respiration du noyau. Et on l'appelle mode de respiration parce qu'en fait quand on va exciter ce noyau, mais n'importe quel autre noyau a priori. Vous l'excitez en lui donnant de l'énergie. Exactement, en envoyant un faisceau sur une en le bombardant avec une autre particule, on va lui donner de l'énergie. Et cette énergie va le mettre dans un état d'excitation. Et il va se mettre à avoir un mode de vibration qui est un mode de compression-dilatation. Donc on imagine notre noyau composé de 28 protons et de 40 neutrons qui vont se mettre à se comprimer-dilater à une certaine fréquence. Et en fait, avec les mains, on peut comprendre que ça peut avoir des enjeux assez intéressants. Parce qu'on imagine bien qu'à un moment, on peut pas comprimer la matière plus que le moment où tous les protons et les neutrons ils sont collés les uns aux autres. Et on atteint du coup un point qu'on appelle l'incompressibilité de la matière nucléaire. Et cette incompressibilité, elle est particulièrement intéressante à étudier, car c'est elle qui est mise en jeu dans tout ce qui est description de la matière au sein d'objets stellaires comme les étoiles à neutrons, par exemple. Mais c'est aussi cette quantité, l'incompressibilité de la matière nucléaire, qui joue un rôle lors de l'explosion de supernova, par exemple. Parce qu'une étoile, quand elle s'effondre sur elle-même, à un moment, elle s'effondre et elle va rebondir. Et elle rebondit car la matière a atteint cette incompressibilité de la matière nucléaire. Vous voulez dire qu'en étudiant les propriétés de certains noyaux, on comprend la dynamique des étoiles ? Exactement. Et donc l'infiniment petit permet de comprendre l'infiniment grand, exactement. Au sens où les étoiles sont quand même beaucoup plus grandes que les atomes que vous étudiez. Exactement, et c'est pour ça qu'on est au sein de l'Institut de Recherche sur les Lois Fondamentales de l'Univers qui fait la connexion. C'est quand même très ambitieux ça, non ? Oui, mais ça fait rêver. Prétendre qu'on va trouver les lois fondamentales de l'univers, Nathalie Besson, je trouve que c'est... C'est le graal un peu du physicien, parce que ce qui sait, comme vous le disiez tout à l'heure, Étienne, ce qui sépare ce que fait Marine et ce que je fais moi, en gros, c'est l'échelle du proton. Et alors, ce dont tout physicien des particules, c'est-à-dire physicien de l'infiniment petit, rêve, c'est de pouvoir, avec ces briques élémentaires, tout expliquer à toutes les échelles. Ça, ce serait génial. J'ai des briques élémentaires comme au Lego et j'explique tout dans l'univers. Sauf que ça marche pas. Marine parlait de modèle tout à l'heure. Nous, on a un modèle qui marche très bien au niveau particules fondamentales, élémentaires. Et puis, Marine est obligée, pour étudier du comportement collectif de mes particules élémentaires, d'utiliser des modèles qui sont différents. Oui, mais l'une comme l'autre, vous faites comme si la gravitation n'existait pas. Presque. Et donc, puisque la gravitation, d'après ce que j'ai compris en lisant quelques documents, c'est qu'elle n'est pas prise en compte dans votre modèle standard de la physique des particules. C'est une interaction dominante à grande échelle, qui joue pas vraiment de rôle à l'échelle des particules, parce qu'elle est pas assez intense pour en jouer un. Il y a 41 ordres de grandeur. Voilà. Si je dis que l'intensité électromagnétique, qui est la plus connue entre deux particules chargées, c'est 1, d'une intensité 1, alors l'interaction gravitationnelle, c'est d'intensité 10 puissance moins 41. Donc oui, c'est négligeable. Donc je ne veux pas vous mettre dans l'embarras, mais comment pouvez-vous prétendre que vous allez comprendre l'univers à grande échelle en étudiant l'infiniment petit, alors même que l'interaction qui domine à grande échelle est la gravitation, qui est précisément celle que vous oubliez ? Moi, c'est spécieux comme question, parce que on comprend le contenu de l'univers à grande échelle. C'est ce dont Marine parle, c'est les phénomènes qui sont mis en jeu dans la création des étoiles ou dans l'éjection des éléments lourds dans le milieu interstellaire, ce genre de choses. On comprend quand même des choses à partir de l'infiniment petit, mais pas tout. Je vous taquine. Alors, Nathalie Besson, je voudrais qu'on revienne un peu sur le fameux boson de Higgs. Et vous avez participé aux expériences qui ont permis sa détection pour la première fois en 2012, alors qu'il avait été prédit dans une forme un peu embryonnaire dès 1964. Qu'est-ce que ça a changé dans votre façon de regarder votre discipline ? Est-ce que c'est une étape importante ou est-ce que c'est la suite qui vous semble la plus excitante ? Alors c'est une étape colossalement importante parce qu'on parlait de modèle tout à l'heure. On a donc un modèle qui devrait maintenant s'appeler la théorie standard de la physique des particules, qui est un modèle complet, c'est-à-dire qu'il n'a besoin d'aucune autre découverte pour être cohérent. Il est cohérent, il est validé à des ordres de grandeur. Donc c'est un modèle assez génial, mais qui est un peu perturbant parce qu'il explique extraordinairement bien tout ce qu'il explique. Mais il manque des choses dedans. Par exemple, les gens ont probablement entendu parler de matière noire. C'est pas dedans, la gravité, c'est pas dedans, etc. Et quand on a découvert le boson de Higgs, on a donc complété le modèle standard. Donc quelque part, c'était génial parce que le modèle standard, c'est quelque chose qui s'est développé sur en gros une centaine d'années. C'est un produit de l'esprit humain, vraiment, qui explique extraordinairement bien tout ce qui se passe au niveau fondamental. Et donc, quelque part, on en est très fiers. Mais maintenant qu'il est complet, on est un peu embêté parce qu'on n'a aucune direction théorique, aucune indication, aucun indice qui nous dise eh ben la suite, la physique au-delà du modèle standard, c'est comme ça qu'on en parle, c'est dans telle ou telle direction. Donc on se retrouve un peu comme il y a 100 ans, c'est-à-dire faut chercher tous azimuts pour pouvoir expliquer les phénomènes qui ne sont pas pris en compte dans cette théorie. Mais ce qui est impressionnant, c'est que ce fameux boson, il a été prédit en 1964 à partir d'un argument, disons, mathématique. Et celui qui a été détecté ressemble à celui qui avait été calculé. Ah, il fait plus qu'il lui ressemble. Il est identique, voilà. Même à ce qui avait été calculé. Ça veut dire que les mathématiques en physique agissent presque comme un treuil ontologique capable de prédire de nouvelles sortes d'objets physiques. Est-ce que ça veut dire que les mathématiques décrivent le monde ou c'est simplement un outil pour faire sortir de la réalité des choses qui semblent nécessaires d'après les équations ? C'est ma question préférée. Pour l'instant, je n'ai pas de réponse. En fait, c'est effectivement extraordinairement perturbant. C'est-à-dire que quand on regarde l'équation du modèle standard, qui est très jolie et très élégante au demeurant, un peu longue, mais qui est un peu longue et un peu compliquée, on se dit, waouh, tout l'univers est décrit là-dedans. Et effectivement, cette équation a servi aussi à, même dans ses versions précédentes qui étaient plus courtes et qui n'expliquaient pas autant de choses, a servi à à prédire l'existence de particules qu'on a découvertes. Par exemple, l'équation de Dirac prédisait l'existence de l'antiparticule de l'électron, le positron, avant même qu'on ait même juste pensé qu'il pourrait exister de l'antimatière. Donc c'est donc très fort. Effectivement, les mathématiques ont ce pouvoir-là. Mais ce qu'il faut pas oublier, c'est que ces mathématiques ne reposent pas sur du vent. Ils sortent pas de nulle part. C'est-à-dire que la première chose qu'on demande à un modèle, c'est quand même de décrire ce qu'on observe. Donc les embryons d'équations cherchent à décrire une observation et après s'enrichissent des différentes observations qu'on fait au fur et à mesure du temps. Donc, ce faisant, parfois, elles prédisent des particules auxquelles on n'a pas pensé. Néanmoins, c'est pas des mathématiques comme ça. C'est pas l'esprit de l'univers qui. Mais tout à l'heure, vous avez dit le modèle standard, enfin la théorie standard de la physique des particules prédit l'ensemble du contenu de l'univers. En même temps, il manque la matière noire. Il y a une quarantaine d'années, on disait les quarks, les protons, les neutrons constituent 100% du contenu de l'univers. Non, en fait, c'est 5%. Après, on a parlé de matière noire. On parle aujourd'hui d'énergie noire, de sorte que la matière que nous connaissons, celle que vous étudiez, c'est 4% du total. 4 ou 5% entre les deux. Voilà. Donc plus la physique avance, plus ce qu'elle décrit semble petit. Est-ce que ça va s'arrêter un jour, cette diminution de la part qu'on comprend? Alors c'est intéressant ce que vous dites, Étienne, parce qu'en fait ça varie dans le temps, à des échelles bien plus grandes qu'une échelle humaine, hein, ou les 100 ans qu'il a fallu pour développer le modèle standard, mais la proportion change. Néanmoins, pour l'instant, ce modèle n'est effectivement capable que d'expliquer que cette toute petite proportion d'énergie dans l'univers, l'énergie qui est portée par les particules. Néanmoins, on est un peu dans le brouillard, il faut bien le dire, mais pas complètement. Par exemple, on sait qu'aucune des particules décrites par le modèle standard ne peut rendre compte de la matière noire. Donc ça, c'est déjà une chose. Si on sait ce que ça n'est pas. Si elle existe, elle est constituée d'objets, de particules, de champs qui ne sont pas connus. Mais qu'on cherche activement. Marine Vandenbroucke, vous travaillez, vous, sur le proton en tant qu'il appartient au noyau. Et est-ce que les recherches de votre voisine, Nathalie Besson, vous intéressent? Est-ce qu'elles ont une influence sur vos propres travaux? Ou est-ce que la physique nucléaire et la physique des particules sont finalement des disciplines décorrélées? Alors non, elles sont pas du tout décorrélées. Déjà au niveau des théories qui sont mises en jeu, par exemple, on parlait de l'interaction forte au début de l'émission. L'interaction forte, on n'arrive pas à avoir un seul modèle qui la décrit au niveau des particules, donc en tant que gluon entre les quarks, ou en tant que, à mon échelle, interaction entre le proton et le neutron. Mais il n'empêche qu'on est dans une dynamique où les théoriciens, à l'heure actuelle, essayent d'avoir des descriptions de l'interaction forte qui sont de plus en plus inspirées de la théorie qui est décrite au niveau des particules. On n'y arrive pas encore à faire la connexion parfaite, mais au niveau des théories, on cherche à avoir une description commune, au moins que l'interaction forte au niveau particule et au niveau nucléaire, elle respecte les mêmes propriétés. On est extrêmement lié aussi au niveau de toutes les techniques qu'on utilise pour aller sonder pour aller faire nos expériences. Par exemple, tous les détecteurs qui sont créés utilisent exactement, beaucoup les mêmes technologies, les mêmes systèmes de détection, les mêmes électroniques. Donc, on discute beaucoup pour tout ce qui est approche expérimentale, en fait, parce que à la fin, on va chercher à détecter des énergies, des temps, et c'est à partir de ces observables que l'on va reconstruire les propriétés que l'on cherche à étudier. Mais au niveau des technologies mises en jeu, c'est très très proche. Au niveau des accélérateurs, on parlait de la différence d'énergie de nos faisceaux, mais les technologies pour accélérer nos faisceaux sont identiques. Donc on a beaucoup de points d'accroche. Et par exemple, l'expérience ou les expériences sur lesquelles vous travaillez, elles se situent où? Elles ont quels objectifs et... Alors moi, essentiellement, je fais mes expériences au GANIL à Caen. Donc c'est GANIL, ça signifie Grand Accélérateur National d'Ions Lourds. Donc c'est un accélérateur qui est basé à l'heure actuelle sur la technologie des cyclotrons, mais il y a un nouvel accélérateur qui sera l'accélérateur linéaire qui produira des faisceaux de plus haute intensité. Cyclotron, c'est-à-dire que les particules tournent. Exactement. En fait, les particules sont envoyées dans cet objet qu'on appelle cyclotron, vont faire plusieurs tours dedans et être accélérées au fur et à mesure, puis être éjectées. Elles sont au GANIL envoyées dans un deuxième gros cyclotron, où elles vont à nouveau rentrer, à nouveau faire plusieurs tours et être accélérées pour ressortir ensuite et envoyées dans notre dispositif expérimentaux. Donc c'est fait sur des cibles. Sur des cibles que l'on va mettre au cœur de nos dispositifs expérimentaux et on va mettre tous nos détecteurs autour de cette cible pour essayer de détecter les produits de notre réaction. C'est-à-dire qu'on envoie notre faisceau sur notre cible, il se passe la réaction que l'on a envie qu'il se passe, mais pas que, et on regarde tous les produits de la réaction dans nos détecteurs. Alors l'expérience que vous préparez ou que vous faites en ce moment, c'est quoi ? En ce moment, je suis en train de développer un détecteur qui ira auprès du nouvel accélérateur en développement au Ganil, donc qui s'appelle Spiral 2. Au bout de Spiral 2, il y aura un spectromètre qui s'appelle Super S-Cube pour Super Séparateur Spectromètre, qui permettra de produire et de sélectionner des noyaux qui sont très très peu produits à l'heure actuelle. Donc on va pouvoir avoir pour la première fois des faisceaux très intenses de faisceaux très peu produit à l'heure actuelle. Et au bout, moi, je vais faire une. J'envisage de développer un détecteur qui ira sur un dispositif expérimental qui s'appelle la branche basse énergie. Cet endroit permettra d'étudier les noyaux produits et sélectionnés par S-Cube par des méthodes de physique atomique. Donc, en fait, je vais essayer d'aller arracher des électrons aux atomes qui auront été produits, et la manière dont je vais arracher les électrons à cet atome me donnera des renseignements sur les propriétés du noyau. Donc moi, je suis à l'heure actuelle en train de développer un détecteur qui permettra de mesurer ces propriétés. Mais alors, un atome dont on arrache les électrons, ça devient un ion. Exactement. Et donc le couplage entre les électrons et le noyau, c'est la force électrique. Oui. Électromagnétique, disons. Oui. Alors comment est-ce que ça peut renseigner sur les propriétés nucléaires de la matière ? Grâce à quelque chose qui s'appelle la structure hyperfine. Donc là, c'est un petit peu compliqué. Mais en fait, la manière dont les électrons, les énergies de ces électrons autour du noyau, la manière dont cette énergie est répartie, donc la manière dont je vais pouvoir aller facilement ou pas les arracher à cet atome, traduit en fait les propriétés du noyau. Donc ça traduit notamment par exemple son rayon de charge, à quel point le noyau est gros ou pas, ça va jouer sur la capacité, la facilité ou pas à arracher cet électron en périphérie de l'atome. Alors dans cette émission, il y a aussi des respirations, pour reprendre le terme de tout à l'heure, ce sont des pauses musicales et vous avez choisi, je ne sais pas laquelle des deux d'ailleurs, a choisi un morceau de Philip Glass, Symphonie numéro 2, deuxième mouvement, c'est vous Nathalie ? Oui. On va l'écouter. Thank you. France Culture, la conversation scientifique, Étienne Klein. Nathalie Besson, vous avez choisi cet extrait de la symphonie numéro 2 de Philippe Glass. Il y a une raison sûrement. Ah, il y a une raison. Il y a toujours une raison chez les physiciens. Ouais, je trouve ça extraordinairement onirique. Moi, ça me fait voyager. Où ça? Eh bien, justement, dans des mondes imaginaires, et c'est ça que je trouve chouette. Vous parliez de Poisson tout à l'heure, et des philosophes, parmi les plus éminents, ont expliqué que l'image était le poisson pilote de l'intellect. C'est-à-dire que quand il n'y a plus d'image, on ne peut plus comprendre. Est-ce que, quand il s'agit de penser le boson de Higgs ou une autre particule élémentaire, vous êtes capable de lui associer des images? Non. Donc c'est simplement des équations qui vous permettent de le penser? Ouais. Je m'en suis rendu compte en y réfléchissant. Est-ce que la petite bille, c'est pour moi, pardon Marine, la représentation par une petite bille, c'est extraordinairement faux. Et j'ai naturellement arrêté de penser à mes particules élémentaires comme des petites billes. Parce que ce boson de Higgs, il était là dans le vide quantique, comme on l'appelle, et vous l'avez excité au point de le créer, de le faire sortir et de l'analyser grâce à des énormes détecteurs dont vous avez parlé. Mais pour le chercher, pour comprendre comment il va se comporter lorsqu'il sera créé par les collisions à haute énergie dont vous avez parlé, il faut avoir une sorte d'image en tête, non? Pas simplement des, si, des équations. Le modèle. Essentiellement, c'est le modèle. Et qui correspondent à des images, si vous voulez, qui sont des graphes, des histogrammes. C'est pas très rigolo, en fait. En physique des particules, on est très frustrés et très jaloux des astrophysiciens qui ont des images absolument somptueuses à montrer. Et nous, on a des graphiques qu'on met avec des jolies couleurs, hein, Marine? On est très, très. Il y a quand même des collisions qui engendrent des particules, qui laissent des traces magnifiques dans les détecteurs, qui donnent des espèces d'arborescence que vous pouvez colorer à votre guise. Absolument, oui. Qui font des œuvres d'art, pratiquement. On peut en faire des œuvres d'art. Il y a même des gens qui ont utilisé justement ces particules auxquelles on associe une énergie pour faire de la musique. Oui, c'est vrai. Donc on peut faire de l'art avec tout ça. Vous avez l'air d'avoir renoncé à illustrer votre champ de recherche. C'est-à-dire que l'illustration... On a un champ de recherche ou des champs de recherche assez compliqués, du moins à expliquer. Et l'illustration... On a des champs de recherche surtout qui échappent complètement à l'intuition. D'abord, c'est parce que c'est dans le monde quantique et le monde quantique et l'intuition ne font pas bon ménage. Et le problème, c'est que chaque illustration qu'on va vouloir choisir pour en parler va comporter un certain degré d'incertitude. Donc ou si d'approximation. Si vous demandez de dessiner un boson de Higgs, vous me demanderiez d'aller me faire voir ailleurs? Non, je ferais un gros smiley avec des gros yeux et un grand sourire parce que le boson de Higgs me paraît éminemment sympathique, mais ce serait extraordinairement faux. Et vous, Marine Vandenbroucke, quand vous pensez à un noyau, vous êtes capable de l'associer à une image, à un dessin? Alors, je l'imagine, en effet, comme des billes de protons et de neutrons. Quand je parlais du mode de respiration tout à l'heure, j'imagine bien toutes mes petites billes qui se dilatent, se compriment, etc. Mais c'est faux également. C'est-à-dire que les protons et les neutrons ne sont pas des... Parce que dans les manuels scolaires, on voit une framboise. Exactement. Avec des protons en bleu, Cette image est fausse, justement, à cause de la mécanique quantique. Parce que le noyau, c'est un objet quantique. Et la quantique ne permet pas de se représenter aussi facilement. Sauf que bon, moi, je travaille quand même avec ces images, car elles me permettent d'imaginer mes réactions quand j'envoie mon noyau et que je cherche à transférer un proton et un neutron. Quand vous dites mes réactions, c'est celle que va induire le faisceau sur le... Exactement. C'est pas vos réactions personnelles. Non, pas du tout. Mais comme non. Mais c'est lié souvent. Donc quand je vais envoyer mon noyau du faisceau sur mon noyau de la cible et que je vais vouloir transférer par exemple des protons ou des neutrons, ou alors quand je vais vouloir les faire fusionner pour faire un plus gros noyau, et ben je vais imaginer mes deux petites framboises qui vont faire une plus grosse framboise et ça m'aide à mettre une image en effet sur ce que je fais, mais c'est vrai que ces images sont fausses. Mais comment est-ce que vous expliquez qu'un objet dépend de la façon dont on le regarde, de l'énergie qu'on utilise pour le détecter? C'est comme s'il n'avait pas une identité propre, mais avait une existence qui dépend de la façon de l'observer. C'est une question d'échelle, c'est ce dont je parlais tout à l'heure, d'échelle ou d'énergie ou de distance à laquelle on regarde. Mais ça, du coup, intuitivement, c'est très facile à comprendre. Si je regarde une table de très loin, je vais voir un petit point. Si je me rapproche, je vais voir qu'elle est composée de différents éléments. Et l'œil collé sur le plateau de la table, je ne verrai plus que les fibres du bois et avec une loupe, etc. etc. Donc c'est vraiment une question d'échelle. Est-ce que vous pensez qu'un jour, on aura une vision, disons, unifiée du noyau atomique, c'est-à-dire qu'on serait capable de décrire tous les noyaux, quelle que soit leur taille, leur nombre de protons, de neutrons, avec tous les détails fins qui permettent de comprendre tous les comportements que vous aurez observés, la respiration, l'incompressibilité? Alors c'est l'espoir de certains théoriciens. Maintenant, est-ce qu'on y arrivera un jour? Je ne suis pas sûre. C'est très compliqué. C'est très compliqué parce que trouver cette interaction forte qui décrit voilà la manière dont les protons et les neutrons interagissent entre eux au sein du noyau, avoir une interaction forte unifiée depuis l'hydrogène jusqu'à l'oganesson et connectée à la théorie de l'interaction forte de la physique des particules, ça me paraît illusoire. C'est-à-dire qu'à votre niveau, Marine Vandenbroek, au niveau de la physique nucléaire, donc vous avez des concepts, vous fabriquez des concepts ou des modèles qui sont pas directement déduits des concepts qui viennent du niveau plus bas, qui est celui de la physique des particules. Exactement. Exactement. Alors, on a toujours envie de connecter nos modèles à quelque chose de plus élémentaire. Parce qu'on est en quête de cette élémentarité, on aurait envie de décrire l'interaction entre mes protons et neutrons à base de gluons. Mais il y a un problème mathématique qui fait que la théorie en physique des particules de l'interaction forte n'est pas applicable à l'échelle du noyau. Donc ça, il y a ce problème mathématique. Mais au-delà de ça, est-ce que c'est vraiment nécessaire? C'est la question qu'on peut se poser aussi. Quand on regarde les interactions entre les molécules, par exemple, c'est très bien décrit par les forces de Van der Waals. Est-ce qu'on a besoin d'aller invoquer les quarks, etc. pour décrire l'interaction entre les molécules? Non, les forces de Van der Waals marchent très très bien pour décrire les phénomènes que l'on cherche à étudier. Donc c'est vrai qu'on est toujours dans cette quête de décrire chose que l'on recherche avec la plus petite brique élémentaire, c'est normal, c'est nous qui avons envie de faire ça. Après, ce n'est pas toujours le plus nécessaire pour décrire nos phénomènes. Quoi. Mais je l'ai dit en vous présentant, vous travaillez toutes les deux dans des endroits un peu différents du même institut qui est l'Institut de recherche sur les lois fondamentales de l'univers, ce qui suppose qu'il y a des particules vraiment élémentaires et des lois vraiment fondamentales. Est-ce que vous êtes sûr que la nature a un fond? Parce que vous, Nathalie Besson, vous dites que les particules élémentaires sont par exemple les quarks. Les quarks ou bien les électrons sont des vraies particules élémentaires, le neutrino également. Mais qui vous dit qu'avec une énergie plus grande, on ne verrait pas dans les quarks d'autres constituants plus petits qui seraient eux élémentaires et les quarks ne le seraient plus et que ce serait une sorte de poupée russe dont l'empilement serait infini? Eh bien, pour l'instant, la seule chose qui nous le dit, c'est que aux énergies auxquelles on a regardé, l'élémentaire est élémentaire, mais l'élémentaire a évolué au cours du temps. Donc, c'est exactement ce que vous décrivez là. Comme le disait Marine, pendant longtemps, on a considéré les atomes même, donc avec le cortège électronique, hein, la bille d'une taille de 10-10 mètres, on va dire 10^-10 mètres, comme la brique élémentaire. Puis on a découvert les électrons et les noyaux, qu'on considérait eux comme élémentaires. Le noyau, lui, c'est une taille de quelques 10^-15 mètres. Et puis, on a découvert que les noyaux étaient constitués de protons et de neutrons. Et puis, on a découvert que les protons et les neutrons... Donc, l'élémentaire, c'est daté, on va dire. Il y a un millésime de l'élémentaire. Et pour l'instant, le millésime, qui dure quand même depuis un certain temps, nous dit que l'élémentaire, c'est le quark. Alors, quelle est la taille de l'élémentaire actuel? Dans mes équations, oui. Infiniment petite, le point. Dans vos équations, mais oui. Les objets que vous étudiez, ils sont plus gros que le point. Oui. C'est pas des corpuscules. Alors, c'est un peu piégeux comme question, parce que ça dépend évidemment de la façon dont je regarde la particule élémentaire en question, mais on a une limite à de l'ordre de 10^-18 mètres. C'est pas une taille propre, ça dépend de la sonde qu'on utilise pour les regarder. Absolument. Et vous, Marine, parce que j'aime bien comparer vos deux regards sur des objets proches et en même temps assez différents d'après les modèles qu'on utilise pour les cerner. Est-ce que vous arrivez à, quand vous vous intéressez par exemple à ce fameux nickel 68, à anticiper la façon qu'il a de respirer? Donc de se comprimer, puis de... Alors oui, grâce aux travaux des théoriciens. C'est-à-dire que les théoriciens, eux, ils ont en main cette description de l'interaction forte qu'ils mettent après dans la moulinette de leurs calculs. Et c'est-à-dire, c'est des calculs par ordinateur, c'est des simulations? Alors, ce sont des calculs quantiques. Ils vont mettre cette description de l'interaction forte dans leurs calculs et ils vont après en sortir les propriétés du noyau. Et notamment, ils peuvent prédire, par exemple, la fréquence de vibration des noyaux en général. De la respiration. Et de la respiration. Et ce qui était très rigolo, c'est que en fait, on connaissait globalement bien ce mode de vibration, de respiration dans les noyaux stables, mais ce mode de respiration, il est très difficile à aller chercher expérimentalement parlant, donc il n'avait jamais été étudié dans des noyaux radioactifs riches en neutrons. Et donc on est allé pour la première fois le voir dans un noyau radioactif riche en neutrons. Et on s'est aperçu que quand on rajoute des neutrons à un noyau, au point de le rendre instable parce qu'il a trop de neutrons par rapport à son nombre de protons, eh bien le noyau, il va plus simplement vibrer, respirer à une fréquence particulière, mais il va se mettre à respirer à deux fréquences en fait. Il y a une fréquence standard comme dans les noyaux stables, et quand on lui rajoute des neutrons, eh ben, il vibre en plus à une fréquence plus faible. Et donc ça, c'était prédit par les théoriciens. C'était très bien prédit par les théoriciens, mais ça n'avait jamais été observé parce qu'expérimentalement parlant, on n'avait pas été capable d'aller sonder cette deuxième fréquence de respiration. Et en fait, c'est donc les travaux qu'on a menés pendant ma thèse avec mes directeurs de thèse et toute l'équipe. Et on a pu observer pour la première fois cette fréquence plus faible. Alors aujourd'hui, c'était une vraie première, on est content de l'avoir découvert. On ne sait absolument pas ce que cette deuxième fréquence de respiration traduit, mais en tant que telle, c'était quand même une belle découverte de se rendre compte qu'il y avait cette deuxième fréquence qui était très bien prédite par les modèles, mais jamais observée. Si je vous comprends bien, ce résultat a été prédit par des calculs sophistiqués qui nécessitent des gros moyens de calcul par ordinateur, mais vous ne savez pas l'interpréter vraiment physiquement avec les mains en disant quel est le mécanisme qui peut engendrer cette deuxième fréquence de respiration. Alors en fait, les modèles nous aident à le traduire un petit peu avec les mains. C'est-à-dire qu'en fait, ce serait un mouvement des neutrons. Mais encore une fois, là, on va sur des modèles. On voit vos mains, mais on ne les voit pas à la radio. Pardon. Donc en fait, oui, je parle beaucoup avec les mains. Donc le mon nickel 68, qui est riche en neutrons, en gros, c'est comme s'il avait son lot symétrique à peu près de protons et neutrons qui vibrent à la vibration standard comme les noyaux stables, et que ce surplus de neutrons, eh ben, ils n'arrivaient pas à se mettre d'accord avec le lot normal de protons et de neutrons et qui vibraient à leur propre fréquence de leur côté. Donc cette deuxième fréquence plus faible, elle est essentiellement due à des neutrons. J'ai intitulé cette émission « L'infiniment petit et ses grandes questions ». Est-ce qu'il y a une question particulière qui vous intéresse plus que les autres, Nathalie Besson? Est-ce qu'il y a une question dont vous aimeriez connaître la réponse rapidement? Sur la matière noire, par exemple? Est-ce que vous avez des candidats? Parce que les théoriciens ne sont pas avares de propositions pour la matière noire. Il y en a qui disent que c'est des particules supersymétriques, des particules de Majorana, il y a toutes sortes de noms étranges. Est-ce que vous avez un candidat favori? Alors moi, j'ai pas de candidat favori. C'est surtout que je pense que pour l'instant, la matière noire, il y a énormément d'effets expérimentaux, d'observations expérimentales qui nous laissent à penser qu'il y a de la matière noire dans l'univers. Mais moi, je ne suis pas assez calée dans ce domaine pour même avoir une idée de ce que ça pourrait être. Il se peut qu'on doive complètement abandonner la vision qu'on a, en particulier élémentaire, pour le contenu de l'univers, et qu'on invente une nouvelle façon de penser pour prendre en compte cette matière noire. Et vous, Marine van den Broek, est-ce qu'il y a une question qui... Alors, dans mon domaine de physique nucléaire, moi j'aime bien la question des limites d'existence de la matière. C'est-à-dire que à l'heure actuelle, on connaît un certain nombre de noyaux, donc caractérisés par un certain nombre de protons et de neutrons. Il y a les limites d'existence des noyaux côté riche en neutrons, c'est-à-dire qu'à un moment, on ne peut pas rajouter plus de neutrons sur le noyau. Qu'est-ce qui se passe si on en rajoute? Eh bien, le noyau n'est plus stable, en fait. Les nucléons ne vont plus rester entre eux. Ça va, le noyau n'existe pas en tant que tel. Et si on en met trop, est-ce qu'il y a des neutrons qui peuvent se transformer en protons? Alors oui, si on en met trop. Alors, je ne sais pas ce que vous avez en tête, mais peut-être tous les processus astrophysiques pour aller peupler des noyaux plus lourds, c'est peut-être ça. Oui. Alors, du coup, en effet, si on rajoute beaucoup de neutrons, il y a des processus astrophysiques qui sont appelés les processus R, par exemple. On va mettre beaucoup de neutrons dans un noyau, et ces neutrons vont successivement se transformer en protons. Et c'est un des mécanismes qui permet d'expliquer le fait qu'il existe des noyaux plus lourds que le fer. Parce que tous ces noyaux sont fabriqués au cœur des étoiles, mais le carburant des étoiles, qui est l'hydrogène et l'hélium, en fait, ne permet de fabriquer des noyaux que jusqu'au fer, qui est Z égale 26, si je ne dis pas de bêtises. C'est 26. 26. Et du coup, au-delà du fer, a priori, on ne sait pas comment le fabriquer, du moins pas dans les étoiles. Il n'y a pas d'énergie suffisante dans les étoiles pour aller au-delà du fer. Et ces processus, donc typiquement le processus R, est un des processus qui permettrait d'expliquer comment fabriquer des noyaux plus lourds. Donc dans des phénomènes astrophysiques où il y aurait beaucoup d'énergie mise en jeu, il y aurait beaucoup de captures de neutrons successives, et tous ces neutrons après se désintégreraient en protons, se transformeraient en protons pour aller produire ces noyaux plus lourds. Comment est-ce que vous expliquez que vos travaux dans le domaine des noyaux ou dans le domaine des particules ont permis de mieux comprendre l'histoire de l'univers? vous en physique nucléaire marine, parce que les réactions nucléaires permettent de comprendre comment les atomes se sont formés depuis, disons, le Big Bang jusqu'à aujourd'hui, selon qu'ils sont légers, moins légers ou carrément très lourds. Et puis vous, Nathalie, par le fait que le boson de Higgs a aidé à comprendre comment les particules élémentaires ont acquis une masse dans l'histoire de l'univers. Exactement. C'est-à-dire que vous intéressez les astrophysiciens, les cosmologistes. Et vice-versa. Il y a des domaines de la physique des particules, par exemple la physique des neutrinos. Le neutrino, c'est la particule la plus mystérieuse dans la zoologie des particules qu'on a sous la main. Et le neutrino est très abondant dans l'univers. Et il y a des observations cosmologistes qui nous permettent de mettre des limites, par exemple, sur la somme des masses des neutrinos, ce genre de paramètres. Et donc d'apporter des regards différents, croisés, des mesures différentes qui enrichissent notre connaissance des neutrinos. Et vous, Marine, sur la nucléosynthèse, c'est-à-dire cette suite de processus qui permet de comprendre comment les atomes que nous connaissons sont apparus au cours de l'histoire, est-ce qu'il y a des questions qui restent ouvertes ou est-ce que la question de leur formation est considérée comme réglée? Ah non, elle n'est pas du tout réglée. Il y a encore, alors moi, c'est pas mon domaine de recherche exact, mais il y a de nombreux chercheurs, expérimentateurs, qui travaillent dans le domaine qu'on appelle l'astrophysique nucléaire, qui cherchent à reproduire en laboratoire ces réactions de nucléosynthèse primordiales qui ont eu lieu dès les premiers instants, ou alors de... Donc fabrication des noyaux légers. Exactement. Hydrogène et hélium. Exactement, jusqu'au lithium, beryllium. Et après, aussi les processus de synthèse nucléaire au cœur des étoiles. Donc il y a encore beaucoup de questions ouvertes sur comment on synthétise ces noyaux. Et je l'ai dit, vous travaillez sur les noyaux super lourds ou hyper lourds, je ne sais pas ce qu'on dit. Super lourds. Super lourds. Est-ce que ça changerait beaucoup de choses d'apprendre que, par exemple, des noyaux beaucoup plus gros que ceux que nous connaissons seraient capables d'être formés avec des numéros atomiques, ce qu'on appelle le Z, bien plus grand que 92 pour l'uranium ou le 118 qui a été fabriqué, entre guillemets, récemment? Alors, oui. Par exemple, il y a une question, une des grandes questions à l'heure actuelle dans la physique des noyaux super lourds, c'est la potentielle existence de ce que l'on appelle l'îlot de stabilité. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs théories, qui s'accordent à dire qu'il y aurait, au-delà de Z égale 118, une région où on aurait des noyaux qui seraient plus stable que ce Z égale 118, qui ont une durée de vie un peu plus élevée. Et à l'heure actuelle, on n'est pas capable, expérimentalement parlant, d'aller peupler ces noyaux, mais ça, ce serait quand même une sacrée découverte de se rendre compte que on produit des noyaux de moins en moins stables au fur et à mesure qu'on augmente le nombre de protons et de neutrons au cœur de ce noyau, mais qu'à un moment, peut-être, il y aurait, pour un certain nombre clé de protons et de neutrons, on aurait cette stabilité accrue de durée de vie. Et Nathalie Besson, est-ce que des découvertes comme celles qu'envisage Marine Vandenbroucke pourraient avoir une influence sur vos propres travaux? Ou est-ce que l'infiniment petit reste confiné dans les particules élémentaires? Alors l'infiniment petit n'est pas tout à fait confiné dans... Enfin si, l'infiniment petit est confiné dans les particules élémentaires, dans les faits. Mais on peut se parler quand même d'un domaine à l'autre, et on revient aux protons. Par exemple, c'est des protons que nous faisons se collisionner au cœur du LHC. Et c'est les constituants alimentaires qui sont présents dans les protons qui vont nous permettre, en se collisionnant, de fabriquer, de créer des particules qui sont présentes endormies dans le vide. Et c'est pas de moi, ça, n'est-ce pas, monsieur Klein? Qui sont potentiellement là dans le vide, et donc de les créer. Et pour pouvoir prédire à l'avance les différentes distributions, c'est-à-dire les différentes quantités de telle ou telle particule qu'on va pouvoir produire au LHC, on a besoin d'avoir une idée des quantités des différents quarks au cœur du proton. Et donc, même si ce ne sont pas nos sujets, le proton n'est pas en lui-même notre sujet d'étude parce qu'il n'est pas élémentaire, on a quand même besoin de savoir dans quelle proportion il est constitué de tel ou tel quark ou de gluon. Et ça, c'est donc on va dire les échelles les plus grandes que les physiciens des particules peuvent étudier, et ça fait partie des échelles les plus petites que les physiciens nucléaires peuvent étudier. Les physiciens nucléaires aussi vont aborder la question du proton comme une brique élémentaire et vont se demander aussi de quoi il est constitué, mais pour différentes raisons. Marine, oui, voulait réagir. Je peux juste ajouter quelque chose. Ce qui est rigolo, c'est que donc Nathalie est du domaine de la physique des particules, moi je suis du domaine de la physique nucléaire, mais entre nos deux échelles, il y a toute une communauté qui travaille, ça s'appelle la physique hadronique, et qui justement s'intéresse aux propriétés du proton. Donc le proton, c'est cette limite entre le domaine des particules et le domaine nucléaire, mais il y a aussi tout un grand champ de recherche qui travaille où il y a des théoriciens et des expérimentateurs qui travaillent sur les propriétés du proton en tant que tel. Donc c'est la limite entre ceux qui pensent qu'il est élémentaire élémentaires, les physiciens nucléaires, et ceux qui pensent qu'il est composite, exactement, les physiciens des particules. Ce sont des gens exactement qui cherchent à définir les propriétés du proton en abordant du côté particule, c'est-à-dire à partir de ses constituants élémentaires, et d'en déduire des grandes propriétés du proton en le regardant à l'autre échelle. Alors je profite du fait que vous êtes des physiciennes et non pas des physiciens pour vous poser une question qui m'intéresse depuis longtemps sans que j'ai jamais trouvé la réponse. Dans l'histoire, en 1934, un certain physicien italien qui s'appelle Enrico Fermi envoie des protons sur une cible d'uranium. Et il fait une analyse chimique, il pense que le neutron a été capturé par l'uranium et il pense avoir fabriqué un nouvel élément chimique qui est le numéro 93. Donc un de plus que l'uranium qui est le 92. Et ça fait la une des journaux, la presse fasciste italienne s'empare de l'événement et on annonce la découverte par une équipe italienne de l'élément 93. Quelques mois plus tard, ils reçoivent une lettre d'une physicienne allemande qui s'appelle Ida Nodak, qui dit à Fermi, peut-être que vous avez mal fait les analyses chimiques, peut-être qu'en fait votre neutron, il a fracturé, fragmenté, c'est son mot, le noyau d'uranium. Et la lettre n'est pas prise au sérieux par Fermi, par Emilio Segre, un autre physicien de la même équipe, au motif que il est impossible qu'un petit neutron lent bouscule un édifice aussi gros que le noyau d'uranium. Un peu plus tard, 4 ans plus tard, je crois, Otto Hahn, un physicien allemand, fait la même expérience, voit des choses semblables, et c'est une femme, là encore, qui s'appelle Lise Meitner, qui a l'idée de la bonne explication, qui est qu'un neutron lent est capable de fissionner un gros noyau d'uranium. C'est, à ma connaissance, un cas unique où seules des femmes ont eu la bonne idée et n'ont pas été écoutées par les hommes. En tout cas, pas dans un premier temps. Est-ce que vous avez une explication ? Vous nous demandez d'expliquer des centaines d'années de machisme ? Non. Mais est-ce que c'est vraiment que du machisme ? Est-ce que c'est vraiment que du machisme ? Marie Curie a eu des prix Nobel tout en étant une femme au début du XXe siècle. Est-ce que dans la façon de penser l'atome, le noyau, il y a le fait qu'un noyau lent soit capable de rendre un gros noyau instable au point de le mettre en vibration jusqu'à ce qu'il se fragmente ? Est-ce que c'est une idée qui avait plus de chances d'apparaître dans le cerveau d'une physicienne nucléaire que dans le cerveau d'un physicien nucléaire ? C'est une question que je vous pose. Moi, je pense qu'il y a deux aspects qui sont très très humains et qui sont présents partout, qui sont en œuvre. C'est s'appuyer sur son expertise et donc les équipes qui ont fait énormément d'expériences, établi des données et qui ont plus ou moins des certitudes, évidemment, vont avoir tendance à aller dans ce sens-là. Et puis, à la fois aussi, ce qui fait la qualité des chercheurs, c'est-à-dire la capacité à penser autrement, à sortir des sentiers battus. Et là, je ne sais pas, je pense que c'est une coïncidence. Si c'était Est-ce que vous connaissez François Poulain de la Barre ? C'est un philosophe du XVIIe siècle, cartésien, féministe. Il a été un temps prêtre de l'Église catholique, un temps protestant. À l'époque, c'était un peu compliqué. Il a écrit en 1673 un livre qui s'intitule « De l'égalité des deux sexes, discours physique et moral où l'on voit l'importance de se défaire des préjugés ». Et voici un extrait de cet ouvrage. « Les femmes sont aussi nobles, aussi parfaites et aussi capables que les hommes, mais cela ne peut être établi qu'en refusant deux sortes d'adversaires. Le premier est la pensée vulgaire, le second est l'ensemble de presque tous les savants. » Est-ce que vous lui. Êtes d'accord avec cette façon de concevoir la situation des femmes en science, elles doivent se défaire de ce préjugé qui semble régner chez les savants masculins. Est-ce que vous avez souffert de cette situation ? En toute franchise, absolument pas. Je pense qu'au contraire, on est très privilégié, c'est-à-dire que c'est un milieu où on s'intéresse à ce qu'on va penser, ce qu'on va inventer, ce qu'on va savoir, et absolument pas à nos chromosomes. Exactement, on est rassemblés autour de questions, de centres d'intérêt qui sont décorrélés du fait que l'on soit une femme ou un homme. Et je pense qu'on a la chance de se retrouver autour de grandes questions et qui font totalement abstraction du genre. Ça montre que les temps ont changé quand même. Oui. Parce que je voudrais vous faire réagir à une autre situation. Vous connaissez le grand mathématicien Carl Friedrich Gauss, qu'on appelait le prince des mathématiques au XIXe siècle. Et à la même époque, une Française, Sophie Germain, mathématicienne, avait utilisé un nom d'emprunt masculin. Elle se faisait appeler Antoine Auguste Leblanc. Et elle a correspondu sous ce nom avec Gauss, qui était impressionné par ses travaux portant sur la théorie des nombres. Et lorsque les troupes de Napoléon ont occupé Brunswick, la ville qu'habitait Gauss. Sophie Germain a craint pour la vie de son génial correspondant. Et elle a demandé donc à un général français de le protéger. Et c'est ainsi que Gauss a appris qu'Antoine était Sophie. Et il lui a alors écrit une lettre dont les dernières lignes sont celles-ci. « Lorsqu'une personne de ce sexe, qui par nos mœurs et nos préjugés, doit rencontrer infiniment plus d'obstacles que les hommes, sait néanmoins franchir ses entraves et pénétrer ce qu'elles ont de plus caché, il faut sans doute qu'elle ait le plus noble courage, des talents tout à fait extraordinaires et un génie supérieur. » Marine, on est des génies. Non, parce que j'ai dit que, la situation avait changé. Alors moi, je ne pense pas qu'il y ait de supériorité ou de non-supériorité. Par contre, je pense en effet qu'il faut savoir dire qu'il n'y a jamais eu de remarques un petit peu sexistes, etc. Ce serait faux quand même. Par contre, je pense qu'il faut savoir faire abstraction de ça. Et on est quand même dans un domaine où l'évolution de notre carrière ne se joue pas sur le fait qu'on soit une femme ou un homme. Et donc, certes, ce sont des petites remarques, des petits comportements, mais qui ne nous empêchent pas d'avancer. Et c'est indépendant du niveau de supérieur ou inférieur. Quoi. Et pour en arriver à ces carrières-là, les seuls obstacles qu'on a eu à franchir, c'est effectivement des choses qui sont un peu ancrées dans les mœurs. Moi, j'entends encore quand je discute avec des lycéennes, Ouh là là, madame, je vais rien comprendre, c'est de la physique et moi je suis une fille. Donc c'est des espèces de préjugés d'images d'épinal un peu débiles qui continuent à perdurer. On ne sait pas pourquoi, parce qu'il y a de plus en plus de femmes en sciences, donc ça devrait finir par se déliter. Mais c'est les seules choses contre lesquelles on a dû lutter, c'est-à-dire... Mais quelle est la proportion de femmes dans les équipes auxquelles vous participez, chez les physiciens, physiciennes, ingénieurs, techniciens? C'est entre 15 et 18% dans notre catégorie de recherche, de chercheurs. C'est la même en physique nucléaire et en physique des particules? Oui, oui. La proportion passe à 30% quand on intègre tous les métiers qui gravitent autour de la science, c'est-à-dire les métiers supports, communication, administration, etc. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que cette proportion ne fait que refléter les proportions qui existent au niveau des études supérieures. C'est-à-dire que c'est pas, la discrimination ne se fait pas au niveau des organismes de recherche. Donc c'est plutôt au niveau de l'enseignement qu'il faudrait prendre des mesures. Est-ce que vous avez des idées d'ailleurs de mesures qu'on pourrait prendre pour que les filles soient autant intéressées que les garçons par les carrières scientifiques? Bah Marine, comme moi, est souvent sollicitée pour intervenir dans les lycées ou même dans les collèges, juste par notre simple présence et notre enthousiasme, montrer que ces carrières-là sont accessibles. Que c'est possible. Merci à vous deux d'être venus partager votre enthousiasme, vos connaissances et d'avoir apporté ce regard sur votre expérience. Pour Nathalie, j'ai une petite anagramme. L'anagramme de les particules élémentaires. Je sèche. Ça donne tisser l'espace et la lumière. Oh, magnifique. Je vous laisse réfléchir là-dessus. C'était la conversation scientifique par Étienne Klein, avec la collaboration de Thierry Beauchamp, à la technique Manuel Couturier et à la réalisation Delphine Lemaire. Tout de suite, c'est-à-dire dans quelques instants, vous retrouvez Christophe Onodibio pour le temps des écrivains.